Par contre, vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir ce soir Françoise Ascal, qui est donc poète, mais pas que, puisqu'il y a également certains récits. Je parlais de Un automne sur la colline, qui est un récit. Et puis, surtout, en plus d'une œuvre poétique assez importante maintenant, c'est-à-dire on parle d'une vingtaine de recueils, facile, hein, il y a aussi un journal qui est tenu d'une manière particulière en deux temps, c'est-à-dire un journal intime qui reste intime et une partie de ce journal ou la quintessence de ce journal qui est publiée. D'accord ? Donc ce à quoi nous avons accès, c'est donc des extraits de ces journaux et nous en parlerons ce soir puisque Un bleu d'octobre est le dernier paru en date. Quand je dis la quintessence, effectivement, ici il y a 11 années. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages qui restent à la maison, d'accord, qui sont, font partie du journal intime. En plus de ce recueil qui vient de paraître, il y a également Noire Racine, qui est plus de la poésie, deux textes qui ont été publiés dans des versions antérieures et différentes, et qui ont été repris pour les besoins de la cause par Françoise. Encore un mot de présentation, et ce sera à toi, Françoise, de parler. Ces deux textes, Noire Racine et Un bleu d'octobre, nous allons en parler plus en détail. Noire Racine est précédé d'un autre texte qui s'intitule Le fil de l'oubli. Ces deux textes, il faut en dire un mot parce que je pense que tous les deux sont complémentaires et permettent de situer Françoise à la fois dans une géographie bien précise qui est la Haute-Saône, mais pas n'importe quel endroit de la Haute-Saône, du côté de Luxeuil et près d'un paysage que l'on appelle les mille étangs, paysage de collines qu'on appelle les mille étangs. Donc ce texte Noire Racine permet de l'installer dans une géographie et également dans une lignée. À ce propos, l'un des livres précédents de François s'intitulait Lignée et a été récompensé en 2014 par le prix Louis Guillaume. Donc la lignée, c'est quelque chose de très important pour Françoise. Je crois que le mieux pour commencer, c'est peut-être de t'écouter, lire quelques extraits de Noire Racine. D'accord ? Et après, ça va nous permettre d'ouvrir les questions. Cela commence toujours par un mélange de noir et d'odeur. On ne baisse pas la tête pour franchir le seuil. On appartient au monde de l'enfance. Les adultes, eux, courbent leurs épaules au passage. D'abord, on est aveugle. Le soleil tape trop fort dehors. Les ouvertures sont minuscules dedans. On tâte du pied les grandes dalles du sol, irrégulières, toujours un peu humides, malgré juillet. Ici, tout est mouillé. Les murs suintent, des fleurs d'écuminesses qui s'effritent entre les doigts. L'odeur elle-même charrie du moite. Chou en fermentation, prune pourrie, pomme blette. Les vaches, de l'autre côté de la cloison, piétinent la paille souillée d'urine. L'odeur est un coup fin, un giron. On peut s'y abandonner, c'est chaud et suffocant. Peut-être que cela empêche la peur d'entrer, le temps de fuir. Lorsque les yeux s'habituent à la pénombre, on la voit, proche du fourneau. Ses mains vont et viennent, comme toujours. La laine entre ses doigts est noire, la robe noire, le tablier noir. On ne sait pas encore qu'on lui appartient. Que le noir racine qui la tient debout a lancé des germes au-delà d'elle-même, sautant d'une génération à l'autre. Ceux qui se sont arrachés à l'ici n'y pourront rien. Dès l'origine, on a les pieds soudés à la terre, terre battue et rebattue, comme ceux qui n'ont pas de nom et pas d'histoire. Avec la première chasse aux cétoines, la première pêche au Véron, on est ferré,

D'accord. Ou s'approfondir, selon comment on lit. Alors, dans ce deuxième texte est présenté l'un des personnages essentiels dans ton œuvre, on peut le dire, qui est la figure de la grand-mère. Alors, tu dis dans le deuxième, qui est le premier... dans les deux, on la retrouve. Qui est le premier au niveau chronologique. Oui, c'est juste ça, au niveau chronologique. On retrouve le même personnage. Alors là, je le dis, moi je connais la réponse, mais pourquoi insister sur ce noir racine, la noirceur du paysage, la noirceur des vêtements, tout ça? Mais ce sont, je pense que c'est mes impressions d'enfance, mes émotions d'enfance. Il s'agit de fermes où, comme je le dis dans ce texte, les ouvertures sont minuscules. Moi, je vivais, mes parents qui se sont dégagés justement de ce milieu-là, je vivais en banlieue parisienne, dans un petit pavillon tout banal et tout transparent, et passer tous les étés d'enfance dans une ferme où justement on plonge dans cette espèce de contraste entre la lumière, les granges, des endroits interdits aux enfants, les puits, les choses. Donc c'est une initiation à ce monde qui est déjà obscur au sens vrai et métaphoriquement aussi. Et effectivement, ces femmes comme ma grand-mère qui sont des veuves fidèles toute leur vie, qui n'ont jamais reconstruit, qui ont été toujours dans l'amour dans leur mari. Ma grand-mère, elle avait 34 ans quand elle a perdu son mari, elle était avec deux jeunes enfants. Elle restait cette femme qui aimait passionnément son mari. Elle était toujours en noir, je pense que... Et en plus, elle ne racontait rien, elle ne parlait pas, elle entendait mal. Dans mon histoire à moi, dans mon enfance, l'écriture, pour moi, elle s'est ancrée dans ce silence, dans cette noirceur, dans ce mutisme et dans cette envie aussi, peut-être, de témoigner de quelque chose là où il n'y avait pas de mots. D'accord. Dans une réponse précédente, tu avais évoqué aussi la tourbe de oui. ces paysages des mille étangs. Oui. Dis-nous un mot là-dessus, sur ces mille étangs par rapport à Melisée, qui n'est pas très, très loin. Mais je pense que cette région... Oui, je peux dire qu'elle a des spécificités, effectivement. C'est un territoire d'eau vive et d'eau morte. Enfin, il y a vraiment les deux, beaucoup d'étangs. Ça s'appelle les mille étangs, il y en a 990 et quelques. Donc des eaux stagnantes qui peuvent être absolument sinistres selon la lumière, qui sont constamment en train de changer d'aspect, selon s'il y a du soleil, ça miroite et ça devient léger. Bon, il y a cet aspect des eaux dormantes, avec une vie cachée, les poissons, les écrevisses, etc. Il y a les eaux très vives, puisque d'un étang à l'autre, ça cascade et il y a des torrents. Il y a effectivement des endroits, au niveau géologique, c'est du grès, c'est un grès rose, un grès rouge, voilà. Et effectivement, il y a des endroits qui sont devenus des tourbières, avec toute la végétation, la flore particulière, les insectes, les libellules, enfin, des variétés très particulières. Et une tourbière, c'est également un lieu de mémoire, un lieu d'archéologie, de l'histoire, de la vie. Ce sont des lieux qui, dans l'enfance, ont forcément construit mon imaginaire. Et je suis très étroitement en prise avec les éléments. Et effectivement, la tourbe en fait partie. En plus, la tourbe, c'est un matériau que les paysans exploitaient pour se chauffer. C'était le chauffage des pauvres. Donc, c'est un matériau. Aujourd'hui, elles sont préservées. Ces tourbières, elles sont protégées. Voilà. Mais c'est des choses fortes, quoi. C'est des éléments, c'est des paysages forts. Mmh. Alors, on reviendra sur ces éléments que sont le paysage, la figure de la grand-mère, parce qu'en fait, ça court dans toute ton œuvre. Oui. Alors, on va aborder le bleu d'octobre et on reviendra sur Noir Racine. Déjà, première chose, un bleu d'octobre. Tu peux nous éclairer un tout petit peu sur le titre? Oui, bien sûr. Je pense que chacun d'entre vous, chacune, vous avez pu... faire l'expérience de, en automne, parfois par certaines journées magnifiques, de constater que la lumière était particulièrement savoureuse, était particulièrement transparente. Il y a, pour moi, enfin, quand on est attentif à la lumière et au ciel, il y a en octobre certaines journées absolument lumineuses où le bleu a quelque chose qu'il n'a pas en plein été. C'est pas le même bleu, c'est pas le bleu chauffé. Voilà, il a quelque chose de transparent. Et j'y suis très sensible. Voilà, j'ai trouvé. Et puis bon, c'est le, on peut entendre bleu dans tous les sens. On peut, ouais. On peut aussi. Bon, il y a quelqu'un. Enfin, il y a les bleus à l'âme. Les voilà. Bleus à l'âme. Ben, on peut entendre aussi avec l'automne. L'automne, ça peut être la saison de la vie. Ça peut être là où j'en suis de mon trajet. Et les bleus, ça peut être les coups qu'on reçoit. Donc. Ce titre me plaisait parce qu'il avait à la fois la lumière et à la fois peut-être un peu de douleur cachée. Voilà. Vu la tonalité générale du texte, effectivement, le bleu dans le sens hématome s'imposait, même si ce n'est pas dit dans la définition non. Que tu donnes là, ce n'est pas là, mais on le sentait. On le sentait qu'il y avait quelque chose. Alors, je vous ai dit un mot sur la démarche de Françoise, qui est de tenir un journal. Elle va nous en dire un petit peu plus, sans doute comme tout un chacun, au jour le jour. Et puis ensuite de retravailler tout ça. En général, la manière de travailler, de retravailler le journal, est selon une thématique. Le précédent texte, la table de veille, s'articulait autour du décès de la mère. Cette démarche qui est de retravailler un journal peut être mal comprise. Par exemple, lorsque tu as présenté ton travail à des bibliothécaires, je vous lis le passage. Rencontre avec les bibliothécaires de V. J'explique le cheminement entre notes écrites à vif dans le journal et notes publiées. Elles sont déçues. Elles parlent d'artifice, d'exploitation du deuil de ma mère pour la table de veille. Elles semblent méconnaître le travail littéraire. Elles ne voient pas l'élaboration nécessaire pour justement témoigner de ce deuil. Je prends conscience de l'ambiguïté de l'appellation journal dans mon cas. Puisqu'il y a sélection et retravail, atelier intérieur conviendrait mieux. Mes carnets publiés sont comme une exposition d'atelier. Ils ne disent pas tout, ne montrent pas tout, et l'on pourrait monter une toute autre exposition en choisissant d'autres éléments. Monter est écrit entre guillemets, je pense que tu as pensé à un montage du texte. D'accord. Alors, première question, comment s'effectue ce montage ? Est-ce que tu dis on pourrait monter une toute autre exposition ? Alors, c'est moins clair pour celui-là, mais pour les, d'autres, j'avais choisi un axe. J'avais choisi effectivement une thématique qui me permettait de démonter un peu, de rassembler, de prélever, puisqu'il s'agit d'extraction. Je prends dans le journal, je fais des extraits, et donc j'oriente en fonction de là où je veux aller, parce que ce qui est très important, c'est de dire que ce n'est pas une confession. On ne se confesse pas. Mmh. Quand on, même si on choisit de publier des notes de journal, de carnet, serait peut-être plus juste, des notes de carnet qui sentent moins le journal intime, justement. Et qu'en plus, on a un désir de partage, c'est certainement pas en ignorant le travail qu'il y a à faire, le travail littéraire qu'il y a à faire, qu'on parviendrait. Pour partager, justement, il faut faire ce travail. Il faut élaguer, il faut choisir les mots les plus justes. Et puis dans un journal intime, on peut se permettre tout. On n'a pas de censure, on est complètement libre. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a à offrir après quand il s'agit de publier, de partager. À ce moment-là, on travaille en fonction aussi de l'intuition qu'on a, que la matière à laquelle on se coltine, elle a un côté universel. C'est évident pour moi que je ne me suis pas posé longtemps la question, est-ce que j'ai le droit ou pas de parler de la mort de ma mère ? La mort de ma mère, pour moi, c'est à l'évidence une expérience qu'on est très nombreux à vivre, à partager à un moment de notre vie. Donc, de toute toute façon, je n'ai pas de scrupules à aborder ce sujet. Mais encore faut-il le faire d'une façon avec assez de délicatesse pour justement ne pas être dans l'exhibitionnisme. Mais ça, c'est un travail, c'est le travail de tout écrivain, enfin de tout. Donc je suppose que ça t'a... Ça m'avait frappé, oui. Voilà, peut-être même blessé un ça peu m'avait quand frappé on parle d'artifice. Parce que vraiment, elles avaient l'impression que retoucher un mot, c'était déjà trahir les vrais sentiments. Cuisiner un peu, c'est cuisiner les choses. Mais oui, on cuisine, c'est évident. Mais on cuisine, tout écrivain cuisine. C'est, d'ailleurs, Antoine Aimaz a appelé un de ses livres Cuisine. Il y a un travail d'artisanat. Il y a un travail d'artisanat dans l'écriture. Sinon, ça ne marche pas. Alors, effectivement, le choix des fragments que tu prélèves de ton journal est quand même assez drastique. 10 années. Donc, tu laisses beaucoup, beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est en fonction de l'axe que tu t'es imposé ou parce que ça te semble sans intérêt ou trop intime? Non, ce n'est pas forcément... C'est... Comment dire, c'est ben là, en l'occurrence, c'est un fonctionnement un petit peu à l'intuition. Il y a des choses que je sens, je me dis ça, oui, ça va enrichir, ça va nourrir. Je pense que j'essaye de tracer quand même un cheminement. Alors, dans le cheminement, il y a des moments de chute, il y a des moments de retour en arrière. Bon, on l'exprime, je l'exprime, j'essaye, comment expliquer ça? C'est difficile de dire qu'à la fois, il y a ce travail ce que j'appelle de cuisine, d'artisanat, et en même temps, il y a la poursuite d'une vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que j'ai l'impression de masquer, ou de, même si je laisse beaucoup, beaucoup de côté, je tente de dire un cheminement avec honnêteté. C'est-à-dire, voilà, je vais peut-être pas, si dans mon journal personnel, je me lamente 4 jours de suite, je vais peut-être pas faire pareil ici. Je vais peut-être faire quelque chose de plus synthétique. Mais j'essaye de ne pas fausser, de ne pas rendre l'image fausse. Mais bon, ça c'est... très difficile aussi, hein, forcément. Ce qui est assez étonnant pour nous lecteurs, c'est qu'on a l'impression d'appréhender en quelques pages, en 100 pages, 10 voire 11 années de ton existence. Ce qui fait qu'on a une vue assez, assez globale de quelque chose. Je vais te suggérer. Oui. Quelque chose, on va voir ce que ça donne. Effectivement, si la table de veille, comme je vous l'ai dit, s'articulait autour du décès de la mère, il me semble que celui-ci, Un bleu d'octobre, traduit une crise existentielle. Une crise existentielle qui se manifeste d'une part par les soucis du corps, le corps malade. Deuxième volet de cette crise existentielle, le rapport à l'écriture où on se pose des questions. Et le troisième volet de cette crise existentielle, un questionnement sur... Je reprends le titre de Pavès, sur le métier de vivre. Voilà. Il me semble que j'y ai vu ça. Qui dit crise dit un summum qui se situe environ avant les années 2010 et puis qui se termine par un apaisement après être passé quand même par des phases très dures au départ, c'est-à-dire avec même des allusions à la mort, au suicide et autres. Deux citations juste pour vous montrer le cheminement qui se fait entre les premières années et les dernières. Tu me diras après oui, si... Oui, bien sûr. Tout au début, donc, nous sommes en 2002. Projet de vie actuel, me préparer à mourir. C'est-à-dire me sommer de vivre, centré sur l'essentiel. Tout à la fin, 113, et nous sommes là... En 2012, donc exactement 10 ans plus tard, lumière sur le jardin et ses narcisses, jonquille, violette, inusable plaisir. Ne pas perdre un instant de vie offerte. Je pense à ces longues années où la mort était une présence quotidienne, où je m'épuisais à endiguer mes pensées les plus noires. Quel gâchis alors! Je persiste à croire que la vieillesse est un privilège et qu'il faut la vivre en pleine conscience, du moins tant que le corps est accommodant, tant que l'esprit n'est pas altéré. C'est quand même un sacré cheminement, non ? C'est le cheminement de la vie. Quand on a 20 ans, on n'est pas préoccupé par ces questions-là. Cheminement de la vie, de c'est dire... aussi... oui. Cheminement de la vie, de dire projet de vie actuel, me préparer à mourir. Oui, tout à fait. Mais quand on arrive à un certain âge qu'on a un désir de lucidité, qu'on relit Montaigne, qu'on relit les stoïciens, qu'on relit tous ces gens-là, on se dit oui, il faut y penser, il ne faut pas être pris au dépourvu. Mais ce n'est pas triste. Ah non, je n'ai pas dit que c'était triste. Je veux dire, ce n'est pas désespéré. C'est simplement un désir de lucidité. Et en plus, quand on a un corps défaillant, qu'on a des problèmes de santé, etc., on est bien obligé d'avoir de ce... Ben, c'est ça, le journal, il sert à ça. Il sert aussi à élucider là où on en est. C'est une quête. Mmh. Tenir un journal comme ça, ça ne... C'est pas narcissique, c'est pas pour se complaire et se regarder. Ah non, pas du tout. C'est un journal qui est fait pour se chercher comment on vit, le métier de vivre. Mais ça, ça a été constant dans cette préoccupation. Alors, ça court dans tous mes journaux depuis les premiers. Ce qui est assez étonnant pour nous, c'est qu'en 2 heures de temps, on passe de quelque chose de très sombre, avec même... Alors, moi, j'aurais souhaité, enfin, vous verrez si vous voyez le livre, ce que j'appelle les silences, là, ils sont très courts. C'est-à-dire, entre chaque petit fragment, il y a un petit espace. J'aurais voulu beaucoup plus d'espace. J'aurais voulu, parce que c'est du temps, il y a beaucoup de temps. Il y a des notes qui sont séparées de 4 mois. Je n'ai pas voulu les dater. Je n'ai pas voulu mettre exactement comme un journal où on met tel jour. J'aurais une question là-dessus tout à l'heure. Je ne voulais pas dater, j'ai mis les années. J'ai mis les années, mais effectivement, un lecteur qui accepte de jouer le jeu, il intègre vite qu'il y a de l'espace et il y a du temps d'un fragment à l'autre. Alors effectivement, ça peut chahuter un peu. Crise existentielle, pas trop, non. Bon, d'accord, je peux me tromper, hein. Ça me faisait des choses sont non, mais forcément des questions qui sont qui courent constamment dans mes journaux depuis les premiers qui ont été publiés en je crois que c'est 85 le premier. Forcément, puisque je suis quelqu'un qui de toute façon ne sera jamais en paix, sera toujours dans un questionnement. Les questions, elles ne peuvent que s'intensifier quand on vieillit et quand on a un corps défaillant. C'est forcément, ça amène à creuser encore plus loin et à essayer d'y voir clair un petit peu plus, quoi. Oui. Alors, régulièrement aussi, tu te poses des questions sur l'intérêt de tenir ce journal. Ah oui. On revient à la table de veille. Tout au début de la table de veille, ça nous amène quand même dans les années 96. Échec de ma décision de ne plus tenir de journal. Un mois à l'épreuve et le bilan est le suivant. Autocensure, stérilité. Je n'ai pas écrit dans le journal, mais pas écrit ailleurs. Coupé de ma source. C'est vrai, je suis obligée de constater qu'il a ce journal une fonction de source, oui, effectivement. C'est une sorte de matrice, c'est un lieu... où je peux déposer les choses et les brasser, les reprendre. Effectivement, ça me stérilise un peu de m'obliger à le couper. Et je ne sais pas au nom de quoi faudrait-il que je le coupe. C'était moi qui m'étais imposé ça, mais bon. Dans cette crise que j'ai vue dans ce journal, il m'a semblé qu'à un certain moment, je n'ai pas noté exactement la date, il y a commune. Ce que Charles Juillet appelait une naissance à soi-même. On a l'impression qu'après, justement, cette période de crise où le corps lâche, où on se pose des questions sur l'intérêt de continuer à écrire, l'intérêt du journal, on a l'impression qu'il y a comme une renaissance, comme un apaisement, comme une naissance à soi-même. Est-ce que ça, c'est le lecteur qui le voit ou est-ce que toi... Mais je pense que c'est tout au long de d'un parcours de vie qu'il y a successivement des moments de blocage, des moments où on n'avance pas, des moments de douleur, et puis on surmonte et on a l'impression qu'on a mieux saisi, et on a de l'élan, on repart, et ça ne met pas à l'abri d'une nouvelle, d'un nouveau moment difficile, parce que je suis absolument pas. Je connais très bien Charles Julliet, j'ai beaucoup. Enfin, nous avons été longuement amis à une époque et je connais bien son trajet. Lui qui a aussi tenu un journal à travers les années, dit pour lui-même qu'il a un moment élucidé, qu'il a trouvé la clarté qui lui manquait, et les problèmes étaient... Il y avait une résolution et il était installé, je dis entre guillemets, installé dans ce qu'il appelle la joie, une joie indéracinable. Mmh. Alors, ce n'est pas du tout... Moi, je ne suis pas dans la joie indéracinable, ce qui ne m'empêche pas d'être dans la joie tout court, d'avoir des moments extrêmement intenses. Mais je ne cours pas après une joie indéracinable. Mmh. Parce que d'abord, je tiens beaucoup à ma solidarité avec les autres, le monde, la souffrance du monde, ce qui se passe dans le monde, sur le plan politique, etc. C'est très difficile de rester installé dans sa joie dans certains contextes. Donc ça, tant pis si ça m'abat, mais je tiens à être dans une solidarité. Voilà. Donc effectivement, il y a ce que tu dis, des apaisements. Mais tout est fragile, forcément. Mmh. Forcément, tant qu'on est vivant, les choses sont fragiles. J'ai pas utilisé le mot de naissance comme ça. Il y a quand même cette phrase. Ce faisant, j'éprouve une joie à m'éloigner de ce journal, sentiment de sortir de mon propre utérus. Oui, parce que je pense qu'à un moment, il m'enfermait en même temps. C'est-à-dire que... Mais à partir d'un... Enfin, je mène de front d'autres chantiers. Je ne suis pas uniquement une écrivaine de journal. Comme on l'a dit, j'ai des poèmes, des récits... Des commandes. Peut-être je pourrais en dire deux mots sur Agnan, sur le livre. Mm-hmm. Voilà. Donc, je ne suis pas... entièrement centré, et effectivement je trouve bénéfique de ne pas être exclusivement centré sur un journal. D'accord. Alors justement, tu as mentionné l'actualité qui est très présente dans beaucoup de textes. C'est assez étonnant, même comme l'actualité revient. Oui. Elle est moins présente dans ce journal, l'actualité. D'accord. Alors est-ce que ça correspond justement à ce repli sur soi pour les raisons de santé, pour le doute quant à l'écriture, pour son propre vieillissement, pour les questions qu'on se pose? L'actualité intervient plutôt dans la deuxième moitié du journal. Oui, il y a des moments où effectivement on est moins réceptif parce qu'on est occupé au sens propre, par exemple. Au sens propre, on a à lutter contre quelque chose. C'est une expérience aussi banale. Hein. Quand je parlais de ma grand-mère veuve, l'expérience de la maladie, c'est... très partagé aussi, et quand on y fait face, c'est vrai qu'on est moins disponible, même si on continue à regarder, à écouter les informations, on a des priorités. Voilà. D'accord. Tu nous lis quelques extraits de Un bleu d'octobre ? Pas trop long, parce que c'est plus difficile à lire. Tu choisis quelques extraits pour donner un peu une idée du rythme. D'accord. Et de ta voix, de tes respirations. Je vais vous mettre... Je vais lire un passage de 2005. Mon rapport à l'écriture, encore et toujours le métier de vivre, pas le souci de construire une œuvre littéraire, mais l'ambition de repousser, si peu que ce soit, une part de ténèbres, en soi comme à l'extérieur. Poursuivre le travail d'allègement, favoriser l'arrivée de la lumière, élaguer le cerisier, améliorer l'éclairage dans la maison, ne pas négliger ce qui m'entoure, la maison, n'est-ce pas mon plus grand corps ? Nuit d'agitation, enquête des mots manquants. On n'écrit jamais que pour trouver les mots manquants. Combien d'erreurs de vision ? Suis une chercheuse de vérité douée pour se perdre. On dirait même que c'est ce que je sais le mieux faire, me perdre. L'angoisse de mort est

comme je les laisse en moi. C'est-à-dire, c'est la même chose. Je ne fais pas forcément un travail d'analyse de, tiens, cette phrase, qu'est-ce qu'elle... Je laisse résonner, là, je laisse les ondes se dilater, comme les cercles sur l'eau. Je fais ça. Il y en a beaucoup, effectivement. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de citations. On les prend ou on ne les prend pas. C'est... Non, j'y ai vu, moi aussi, comme un besoin de se rassurer, puisque moi, j'y vois une crise, notamment une crise de l'écriture, comme si tu avais besoin d'aller chercher dans les autres un peu d'assurance, un peu de consolation. Alors, c'est pas du tout consolation, au niveau de l'écriture que je cherche les citations en question. C'est plus sur l'art de vivre. C'est plus... Oui. Que sur l'écriture. D'accord, j'ai pas d'exemple, je peux pas. J'aurais aimé avoir un exemple à te dire non, pas là, mais là, je n'en ai pas. Donc, dans les extraits que tu as lus, il y a deux mots qui ont bien sûr résonné. Le mot s'alléger, allègement, c'est quelque chose qui revient fréquemment chez toi. Faire plus léger, moins de choses, se débarrasser, etc. Je le conçois, mais en même temps. J'ai le droit de faire un clin d'œil à ton compagnon ? Non, même pas. Derrière. D'accord. Le Bernard trouve que peut-être ce n'est pas assez allégé encore. Alors, c'est-à-dire que là, on ne va peut-être pas avancer ce débat tout, maintenant. C'était juste un regard. S'alléger, ça, je le conçois très bien. Mais en même temps, tu te sens, tu te veux dépositaire d'une mémoire. Oui, mais c'est... D'accord. Et alors, quand je dis que tu te veux, c'est... On peut presque parler d'un choix. Hein, je reviens sur... Je passe le début, je parle d'héritage. Donc l'héritage de la maison, et de ce lieu, de cette mémoire. Moins prise dans l'héritage, ma vie eût été tout autre. Héritage dont personne ne m'a chargé. L'attitude de mon frère fut-elle déterminante ? Très tôt, je l'ai senti s'enfuir loin, en avant, ailleurs. Ai-je cru de mon devoir de veiller, me faire dépositaire de ce qui risquait de sombrer sans mon attention ? Quelle importance se donne-t-on ? La petite fille d'autrefois captait les silences, failles, blessures, et obscurément aurait tout voulu réparer. Classique. Eh oui, c'est classique. Donc c'est bien toi qui t'en charges, et tu y reviens un petit peu plus loin. Sur cette idée dépositaire. Tu vas pouvoir t'expliquer. Alors, le lieu s'appelle Melizet. J'ai parfois l'impression d'avoir fait un pacte avec Melizet et sa pauvreté, un serment inconscient de fidélité qui m'a empêché de réussir, entre guillemets, de réussir socialement, ne pas trahir, rester solidaire, rester avec, dedans. L'autre face, c'est mon frère qui l'a assumé. Sortir, en sortir. Revanche, mais même dépendance. Eh oui, je pense effectivement que nous sommes construits. Mais c'est classique, effectivement. Mais moi, je pense que ma position, c'est une histoire de filles. C'est les filles. C'est les filles tout le temps. C'est les filles qui restent... les garçons, ils sont élevés pour partir. C'est plus un problème de féminin, de se sentir, de se croire obligé de réparer, de veiller, etc. C'est plus, c'est un problème de. Je pense que je ne suis pas la seule à ressentir se ça. Se sentir dépositaire du mémoire, c'est pas rien quand même. Ben oui, mais justement, mais. Bon, je ne suis pas là pour faire une psychanalyse. Non, mais je veux dire... Mais je veux dire, on est nombreuses en tant que femmes à avoir ressenti ce devoir vis-à-vis de nous, d'où on vient, de nos mères, de nos lignées, etc. Et alors que nos frères se tirent c'est, beaucoup... C'est récent, ça. Pardon ? C'est récent. Parce qu'avant, on restait toujours... De père en fils, on restait dans la terre, on restait... Ah oui, c'est très récent. C'est, ça correspond. Depuis 50, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. J'en parle parce que c'est ce que j'ai vécu. Enfin, c'est lié à mon histoire, évidemment. Ouais. Oui, vous avez raison. Oui. Alors, cela dit, ce n'est pas une mémoire immatérielle. C'est une mémoire très concrète. Oui, ce que je peux dire, c'est que ça donne forcément quelque chose des sentiments ambivalents. Parce qu'à la fois, on a ce désir de sauver. Là, c'était cette vieille maison qui battait de l'aile, le toit percé, enfin bon, tout. Donc, c'est très lourd de se dire, bon, je vais garder cette maison, je vais la rénover, la retaper, enfin, etc. Enfin, c'est lourd. Donc, on a quand on est dans cette position d'avoir reçu comme ça, de se croire dépositaire, comme tu dis, en même temps... en même temps, on ne peut pas faire l'économie de sentiments ambivalents, de se dire mais pourquoi tu prends ça sur ton dos, libère-toi et allège-toi. C'est une ambivalence qui n'est pas forcément résolue, qui sera peut-être celle, la mienne jusqu'à la fin. Alors, j'en reviens à mon histoire de crise. Effectivement, l'apaisement naît à partir du moment où tu décides de restaurer cette maison et de la garder. Tout à fait, c'est vrai que ça a été très très important. J'avais le sentiment effectivement qu'il fallait que je lui redonne vie, qu'elle était en train de mourir. Une maison, ça vit, ça respire, ça s'éteint, ça se... Et effectivement, donc ça certainement. Enfin, je fais beaucoup de. J'établis beaucoup de liens entre le corps et la maison. Le corps, la maison, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se jouent entre. Peut-être que c'est très féminin aussi. C'est certainement une histoire de porosité, de peau, de porosité qui fait qu'on est peut-être plus sensible à notre environnement que notre, comme si le corps, je ne sais pas si vous avez lu Khalil Gibran, il parle beaucoup de ça, de ce rapport à la maison, voilà. Bon, donc dans mon cas effectivement, je me sens très très liée à cette maison, à cette histoire, à cette mémoire, et c'est vrai que c'était bénéfique pour moi de la soigner la maison. Voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. J'allais faire de la psychanalyse à dessous, mais je m'entends que ça soit... Mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de parler si, de ça. Si, parce que en réparant la maison, tu te répares. Oui, mais c'est... On le sent dans le texte, qu'il y a un apaisement qui est là. Tu parles de toutes ces réparations dans la maison et tu te soignes en même temps. Et tu le dis très très bien à plusieurs, quand tu parles du poids du passé, etc. Et on le voit, on suit les travaux de Melisée, on voit cette partie qui s'est écroulée, comme par hasard, qui est la partie la plus récente, c'est-à-dire tout ce qui datait du XVIIe ou XVIIIe ou XIXe siècle est resté en l'état, tout ce qui était... Début du XXe s'est écroulé. Donc voilà, c'est pas anodin non plus. Et en réparant cette maison, voilà, c'est comme si tu arrivais en paix avec tes ancêtres, comme si tu avais fait quelque chose. C'est de la psychanalyse à dessous, mais ça m'a beaucoup plu. J'aime bien la psychanalyse à dessous. Je pense que j'ai un rapport avec quelque chose qui a trait à l'archaïsme, aux archétypes. Oui, moi, je pense que quand on développe, quand on écrit, on est... quand on travaille l'écriture, la poésie, enfin ce type d'écriture, je pense qu'on développe aussi une sensibilité, on capte assez bien notre inconscient. Je pense que l'écriture, elle vient beaucoup si on arrive à lâcher prise, on laisse monter des choses qui viennent de l'inconscient. Et je pense que ça, oui, je sais le laisser monter, quoi, le laisser venir. Donc ces figures-là, qui sont aussi des archétypes. Ce que je tiens à dire, c'est que, en fait, il ne s'agit pas seulement d'une histoire personnelle, de ma grand-mère, la mienne, etc., mais justement d'une histoire archétypale. Je pense qu'on est très nombreuses, notamment en tant que femmes, à être prise dans des liens comme ça et des archétypes de femmes qui sont en amont de notre histoire et qui pèsent sur ce qu'on devient, sur comment on se construit. Voilà, pour moi c'est important ça. C'est en creusant dans cette histoire qui est personnelle, mais je pense réellement que que ce n'est pas uniquement le besoin de raconter ma petite histoire à moi. Je pense que je creuse dans une matière qui est vraiment, qui brasse, qui nous concerne vraiment. Est-ce que tu as eu l'impression de t'inscrire dans une lignée davantage que ton frère, par exemple? Mais bien sûr. D'accord. Oui. Mais on en parle parfois avec lui, et lui, il a une autre... Lui, c'est l'inverse. Il est trop... Il pense maintenant, en vieillissant, qu'il est un petit peu trop détaché. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est... Voilà, chacun se construit avec les éléments de la famille. Tu veux bien nous lire ce petit bout? Me lisez. Non ce qui m'a été transmis, mais ce dont je me suis chargée. Ni mon père, ni ma mère, ni mon frère ne l'ont revendiqué. Chacun était prêt à l'abandonner à la vente. Il a fallu que je veuille absolument ce bloc compact d'histoire, de douleur et lumière mêlée. Il a fallu que je le revendique comme mien, que j'en réinvente la mythologie. Ai-je obéi à l'injonction des ancêtres, comme je l'ai cru souvent? Ai-je choisi en toute liberté de relever la ruine, comme on relève un défi? Ai-je voulu, par manque de consistance, m'insérer de force dans la lignée? Était-ce secrètement thérapeutique, dès l'origine? Là, tu me pousses dans les replis. Je ne pousse rien, c'est écrit. C'est écrit, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si vous l'avez dans les mains et que vous lisez, c'est pas du tout pareil que de me le faire lire. Oui, non, voilà. Mais c'est très beau en même temps. C'est très, très beau. Donc, vous voyez, les questionnements, et ça, on n'a pas vraiment de réponse univoque. Enfin, c'est mêlé, tout ça est mêlé. Tout ça est mêlé. Voilà. On va parler un petit peu de la forme, ça va. La forme. Tu l'as mentionné tout à l'heure, l'abandon des repères temporels. Alors, pour vous situer les choses, il y a plusieurs journaux qui sont parus, certains datés, tel jour, telle date, etc. D'autres, uniquement les mois. Il y a eu que les mois. Il n'y a jamais eu de jour au jour. J'ai jamais eu jour. Et alors, là, j'ai peur. Non, je t'en trouve, si tu veux. Ah, je crois qu'il n'y a jamais eu de jour. Il y en a un. On va pas faire là, regarde. Non, mais là, je suis en doute. Alors, y a-t-il des jours? J'en ai vu. J'en ai vu, si. Mardi 23 février. Ah oui, c'est quelques pages, c'est un journal particulier dans le journal, c'est le journal de Nantes, sur quelques jours. Ah oui, mais bon, j'ai moitié gagné plutôt aussi. Ouais. Hein. D'accord. L'abandon des repères temporels, donc parfois la date complète, pas souvent, je l'admets, parfois les mois, parfois les saisons, et là uniquement les années. Est-ce que tu ne crains pas, en abandonnant les repères temporels, surtout si tu n'as pas obtenu de ton éditeur la possibilité d'un blanc typographique, est-ce que tu ne crains pas que ça complique un tout petit peu la lecture, c'est-à-dire que l'œil fait que l'on passe d'un fragment à l'autre et qu'on perde un petit peu l'évolution du temps, des saisons, des jours qui passent, qu'on lit ça un petit peu comme on lit une série d'aphorismes? Peut-être, alors, enfin, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas s'il y a d'autres, ça m'a manqué un petit peu. Tu aurais préféré des dates plus précises? Ne serait-ce que les mois, ne serait-ce... Enfin, voilà, qu'on puisse suivre un petit peu les saisons, c'est-à-dire que là, sur une année qui tient dans 10 pages, toutes les saisons défilent. Les saisons défilent. Alors moi, pour moi, dès que je parle de l'éclosion des narcisses, je ne sais pas quoi, j'avais pas l'impression que c'était tellement utile de souligner que c'était tel mois. Et donc, j'avais l'impression que mes fragments, soit ils n'avaient pas besoin d'être datés parce qu'ils sont les questions de la vie qu'on se pose, et peu importe que ce soit en hiver ou au printemps. Et quand il s'agit du rapport à la nature, ça se dit de... C'est pas tout à fait ça. Bien sûr que si tu parles de l'éclosion des jonquilles, on va comprendre que c'est printemps. C'est plus que l'œil a peut-être besoin de s'arrêter. Ah oui, ça je suis d'accord. Quand je parle de mars à avril, il y a un blanc qui m'indique, avril. Oui, oui. Donc je lis avril et c'est une pause. Non, mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus, qu'ils soient plus éloignés l'un de l'autre. Mmh. Mais voilà, les éditeurs ont des contraintes, de nombre de pages, de maquettes, de ceci, de cela, qui fait que... Donc cela dit, là, tu n'as pas eu nécessité, tu n'as pas eu ressenti le besoin de mettre les repères temporels, même saison, même mois. D'accord. Deuxième question sur la forme. Quelque chose qui peut paraître à certains un peu anecdotique, l'outil d'écriture. Alors, l'outil d'écriture. Mon journal est le seul endroit où j'écris encore à la main, accompagné par mon vieux Parker des années 60. Et si j'abandonnais au profit de l'ordinateur, est-ce que cela m'obligerait à davantage de tenue, à transformer plus rapidement ma matière grâce à la mise à distance imposée par l'écran? La réponse, quelques 40 ou 50 pages plus loin. Le changement d'outil a eu pour conséquence de réduire la présence de l'intime, moins de laisser aller ou plus d'autocensure. Perte ou gain? En février, notez ceci. Depuis samedi, bronchite, fièvre, mal-être. Ma nouvelle manière de tenir mon journal m'interdit d'en dire plus. Il y a quelque chose de ridicule à voir s'inscrire sur l'écran les doléances de ce genre. L'écran me scrute. Œil d'un surmoi qui s'absentait plus facilement dans le lignage vieillot des cahiers Clairefontaine. Utile contention pour mes habituels débordements de petites émotions sans intérêt? La question n'est pas tranchée. Faut-il tenir un autre niveau de journal, incarné au crayon comme une couche géologique plus profonde? Eh oui, ça a l'air de rien, mais l'outil, il a des implications étonnantes. Enfin, dans mon expérience, je pense que si vous en avez, vous pourrez me dire. Mais c'est vrai que l'écran oblige à être plus, tenir plus droit, pour moi. Hein. Parce que tu dis, il y a une autocensure. Le journal avec le stylo, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus replié, beaucoup plus, et on peut se laisser plus aller. C'est pas pareil. Est-ce que tu veux dire qu'on se sent obligé de mieux écrire avec l'ordi? C'est plutôt une histoire de filtre. Ça filtre différemment. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, parce que peu importe. C'est pas très grave dans un journal intime d'avoir écrit qu'on avait une bronchite et de la fièvre et qu'on en a jusque-là. Mmh, mmh. C'est pas très grave. Mais je constate que ça a un effet de filtre différent. Voilà. Mmh. Mais qu'en est-il pour d'autres, pour toi? Moi, je parlerai qu'en présence de mon avocat sur cette question. J'aurais pu échanger quand même. Je peux pas m'exprimer. Vous me direz après. Je peux pas m'exprimer, je suis un peu d'accord avec toi. Ah bon? Voilà. On va dire ça comme ça. C'est pas la même écriture. Voilà. Mais voilà, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait changé comme ça. Donc ça veut dire que tu es revenu au stylo. Pour le journal exclusivement, tous mes autres livres, ils sont écrits directement à l'ordinateur. D'accord. Est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas l'idée que le journal écrit à la main n'est pas destiné à la publication, alors que le journal écrit à la machine s'y prête davantage? Ou du moins dans notre tête, c'est dans la tête. De toute façon, j'ai renoncé à tenir un journal à la machine. Alors, d'accord. Non, c'est les autres, les récits, les poèmes, je les écris directement à l'ordinateur. C'est okay. C'est juste pour le journal qui a eu cette tentative et puis le retour au point de départ. Alors une autre question sur la forme, et ce sera la dernière, sur l'énonciation. Personne ne m'a condamné à dire « je ». Je peux écrire d'un autre point de vue et avec les mêmes exigences. C'est le béaba de tout écrivain. Alors pourquoi est-ce impossible, sous peine de culpabilité, de sentiment d'imposture? C'est un mot qui revient souvent chez toi, le mot imposture. Pourtant, aussi bien dans Le Pré, qui est un de tes premiers journaux, premier, oui. Tu écris avec elle, que dans Le Fil de l'oubli, plus récemment, La Petite Fille est à la troisième personne aussi. Oui. Pourquoi les questions se posent d'une manière générale et pas dans ces deux textes? Qu'est-ce que ça change toujours, véritablement ? En fait, ça souligne la difficulté que j'ai avec la fiction. Voilà, j'ai des difficultés avec la fiction. Alors, je peux un peu jouer comme ça, à dire il, elle, comme j'ai pu le faire là. Ceci dit, le elle qui correspond à vraiment la petite fille que j'étais, c'est deux pages, c'est trois pages. Donc, c'est ça, je ne suis pas faite pour la fiction. Voilà. Et ça induit un sentiment d'imposture. Mais ça, j'en avais discuté avec Charles Jubia, il a le même problème. C'est-à-dire que lui, il dit « je » aussi, et il me disait qu'il ne pouvait pas non plus... c'est une espèce d'injonction de vérité qui est curieuse, c'est curieux, parce qu'effectivement... mais c'est comme ça. J'ai pas de... Je ne peux pas en dire plus, je le constate à travers les années que je... D'ailleurs, ça, c'est un des sujets quand même aussi de... Le rapport littérature-vérité, vérité-littérature, quête de vérité, est-ce que ça, je reviens constamment dessus, c'est-à-dire que j'ai tout le temps le sentiment que la littérature, pour moi, le travail littéraire, il est un moyen, il est un outil pour une quête de vérité, tout en sachant que la vérité, elle se dérobe toujours et qu'elle est multi, elle a de multiples visages, tout ça, je le sais, mais c'est comme si je ne pouvais pas renoncer à l'espoir d'élucider quelque chose de cette énigme qui fait qu'on est là, qu'on est vivant et qu'il y avait quelque chose à... on est tellement pris dans des leurres, on est tellement leurré par tellement de choses, tout est fait aussi pour nous leurrer, donc l'entreprise de trouver la vérité est... évidemment sans fin, et c'est un de mes outils de dire je. Très bien. Très bien fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, Françoise répond à tout. Moi j'en ai une sur la forme, parce que je suis plongée dans la lecture du journal de Virginia Woolf, et quand tu disais, enfin quand Jacques t'interrogeait sur l'idée du montage à partir des journaux, en fait elle dit quelque chose d'assez similaire à ce que tu fais. Elle dit... quand j'aurai 60 ans, j'écrirai mon autobiographie et je puiserai dans mon journal. Elle dit, je ne sais même pas encore ce qui me plaira d'y puiser, quel élément je laisserai tomber, quel élément je prendrai. Et elle dit, du coup, ça donnera quelque chose de complètement différent en fonction de ce que je prendrai. C'est exactement ce que j'avais noté, que je pourrais faire. Voilà, ça, un bleu d'octobre, je peux en faire trois. Je peux faire trois bleus d'octobre en prenant... En sélectionnant, parce qu'effectivement, comme je sélectionne très peu sur une année, je peux faire un éclairage complètement différent, et ça sera moi aussi, ça sera, et j'aurai pas l'impression, là, pour le coup, j'aurai pas l'impression de mentir, parce qu'on est multiples aussi, on a beau chercher, on peut avoir un désir de trouver son unité, etc., mais notre identité, elle est complexe, donc effectivement. Mais ça, je me souvenais plus qu'elle avait. Je l'ai lu son journal il y a longtemps et je me souvenais pas de ça. Ce qui m'interrogeait en vous écoutant tous les deux là, c'est que elle dit à 60 ans, j'écrirai une autobiographie. Donc en fait, elle va s'en servir. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est là pour le coup, c'est un récit. Oui. C'est pour revenir sur ton rapport à la fiction et en fait, dans la forme, là, toi, tu choisis de ne pas être dans le récit. Oui. Et tu choisis même d'être. Alors moi, je trouve dans le bleu d'octobre. Inverse de l'interprétation qu'on a fait Jacques sur l'épure des dates, moi je trouve que c'est une grande force, à l'inverse de ce que disait Jacques, c'est que... c'est quoi ce petit rire sardonique? C'est, je trouve que... Alors moi, pour le coup, le docteur, par rapport aux autres, j'ai trouvé que là, justement, tu commences... Enfin, pour moi, on est dans l'épure. Mm-hmm. C'est quelque chose qui s'est encore plus, en fait, éloigné du journal. Oui, tout à fait, d'accord. Et que, du coup... on atteint quelque chose. Alors, c'est vrai que moi, presque, je ne l'ai même pas du tout lu comme un journal. C'est-à-dire, j'ai lu comme des petits bouts, des petits fragments qui se tenaient même parfois tout seuls. Alors, pareil, le blanc de la page m'a manqué. Oui, ça, c'est certain. Mais ouais. Parfois, je n'avais même pas besoin de le rattacher ni à une époque, ni à une période. Enfin, voilà. Et donc, du coup, sur la forme, là, j'en reviens à une question. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est que cette. Enfin, presque là, on est plus dans la note, en fait, ou dans l'aphorisme, ou dans. Voilà, et pas du tout dans le projet de Virginia, justement, d'écrire sa vie, en fait. Tout à fait d'accord. Voilà. Et du coup, moi je trouve que tu touches à une autre forme par rapport à ça. Tu cherches quelque chose d'autre. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, c'est un moment de bascule aussi, justement, parce que je pense que je m'éloigne résolument de la forme journal. Je suis d'accord vraiment avec ça. Oui, je cherche autre chose qui est, oui, à partir de l'idée de notes autonomes, des notes autonomes, oui. Alors, je fais une petite parenthèse. Valérie Rouxel, qui vient de parler, publie assez régulièrement, mais assez souvent, une chronique. C'est pas régulier. Oui, quand même, c'est assez... Mais c'est fréquent, mais ce n'est pas régulier. C'est exactement ce que je viens de dire. Sous le nom de Marceline Roux, 100 jours avec Virginia Woolf, à partir de son journal, où c'est une sorte de correspondance, de passerelle entre la vie d'une femme d'aujourd'hui et Virginia Woolf, à partir de dates. Donc, sous le nom de Marceline Roux, dans les chroniques, vous lui demandez. Nous, on le lit sur Facebook, mais ça peut se lire autrement, sur Internet. Sur le site de Culture Chronique. Mais c'était juste, voilà, sur l'interrogation du journal. Oui, non, attends, je j'ai pas fermé ma parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, je pense qu'il y a quand même un déroulement de vie dans un bleu d'octobre. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que j'appellerais des fragments, parce que le livre... est clos et à l'intérieur il y a cette progression aussi bien autour de la maladie que des petits fragments qui parlent de la vie quotidienne et de projets d'écriture et que donc on n'est pas du tout pour moi on n'est pas tout à fait non plus dans des fragments, j'ai lu d'autres choses qui étaient des fragments, là c'est pas des fragments, c'est plutôt une lecture. J'ai pas de notes. Alors c'est pas non plus des notes pour moi parce qu'il y a une reconstruction quand même, avec un cheminement. Et moi, je pense donc, que tout ce que je fais est toujours... Alors ça, je trouve que c'est intéressant, contrairement à des notes, parce qu'il y a transparaît ce qu'on trouve dans Noir Racine, transparaît ce que tu as appelé la réinvention de sa mythologie. Mm-hmm. Et là, c'est... Pour le coup, c'est complètement sûr, puisque tu as dit que tu choisissais des passages qui te paraissaient une espèce d'essence de ce que tu as vécu sur ces 10 années. Et là aussi, on touche aussi à quelque chose qui est étonnant, c'est que, voilà, à travers la réinvention de sa mythologie, c'est surtout le cas dans le premier livre dont on a parlé, on passe par une réinvention de sa mythologie, donc par une fiction qui permet de retrouver sa vérité, peut-être quelque chose comme ça. Et je trouve que dans ce qui n'est pas un journal, mais un bleu d'octobre, il y a vraiment ça. C'est une reconstitution par note, voilà, d'un cheminement. Là, du coup, ça donne un peu de chair au livre qu'on perd quelquefois si c'est trop fragmentaire. Moi aussi, je trouve que quand même l'absence de marquage par saison... te manquait aussi. Oui, je trouve que j'ai pris la... Du coup, je passais trop vite d'un fragment, d'une note à l'autre. Non, d'un fragment à l'autre. Voilà, justement, ça faisait une lecture un peu fragmentaire. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que je suis toujours en recherche de quelque chose qui bouge, de faire évoluer les choses en fonction de là où j'en suis. Et effectivement, j'ai conscience qu'il y a... mais c'est souvent dans mon travail, souvent qu'il y a une difficulté à nommer la forme. Ça m'a été souvent renvoyé, par exemple, dans Rouge Rodko. Alors c'est quoi? C'est des textes sur la peinture? C'est je pense que j'ai élaboré au cours des années une façon de tricoter ensemble de l'intime, de l'universel, du rapport à la peinture, du rapport à l'architecture, enfin des choses comme ça, et que du coup c'est pas clair. Je suis d'accord que c'est pas forcément clair au niveau de l'identification de la forme. Mais ça, c'est plutôt bien. Je ne sais pas, mais... Enfin, voilà, Je l'ai lu comme un journal. Voilà. Moi, je souhaitais que ce soit pas trop un journal. Alors, dans, voilà, donc. Il y a une évolution. Je le travaillais d'une façon en me disant bon, enfin, je m'éloigne de cette forme. Enfin, je vais plus. Oui, mais il y a une évolution sur les chantiers d'écriture. On assiste à tout un tas de chantiers d'écriture dont tu parles. On n'a pas parlé de Anyan, qui a été une résidence d'écriture. Tout ça, ça apparaît comme dans un journal. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Kamel. Moi, je voudrais poser une question. Alors, moi, j'ai adoré la table de veille. D'accord. Ah, oui. Un journal. C'est un journal. C'est assez journal, celui-là. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je me suis approprié aussi. Je me suis mis à votre place. Visualiser les oiseaux. Et franchement, ça m'a fait rêver. Mm-hmm. Malheureusement, c'est un peu triste parce que c'était la... Oui, c'était autour de la mort de ma mère, oui. Hein. Bah, en revanche, ce qui me fascine chez les artistes, vous écrivez, mes tristesses sont au plus haut en ce moment. Tristesse que je ne souhaite pas déserter. C'est ça, je ne souhaite pas déserter. Tristesse qui ont la douceur d'une main posée sur la nuque. Tristesse qui me lie à la mer en allée. Bon, faites référence à votre maman. Et la question, c'est, faut-il être mélancolique pour écrire? Est-ce qu'on peut écrire dans un état joyeux? Oui, certainement. Je vais vous rassurer. Bon, ah oui. C'est pas nécessaire d'être. Je pense qu'on écrit avec toutes sortes d'émotions. On peut écrire en colère. C'est très bon d'écrire en colère aussi. Ça peut être bon. Il y a toutes les émotions sont bonnes à prendre. Et du moment qu'on les transforme, qu'on en fait quelque chose. Voilà, alors là, effectivement, ce que vous avez lu, c'est un moment particulièrement mélancolique, du temps qui passe, etc. Mais on n'est pas forcément toujours dans cet état-là. Il y a une palette d'émotions et on écrit dans différents moments. Mais cette tristesse que je ne souhaite déserter, c'est comme si je pense que, en lisant, puisque tu m'avais proposé qu'on finisse avec l'arpentée, je pense que quand on va terminer, je vais vous lire quelques extraits d'un texte où je vais encore plus loin, je vous dirai. Vous entendrez une forme de réponse à ce que vous vous demandez, à la question que vous vous posez. Il y a un fragment dedans que j'essaierai de retrouver sur la mélancolie, avec cette vision un peu romantique que l'on a de mélancolie. Et Françoise dit que non, il n'y a rien de romantique, c'est quelque chose qui casse. La mélancolie, comme ça, doucereux, etc. Mais la vraie mélancolie, d'abord, c'est une pathologie. La vraie mélancolie, c'est une maladie. Et ce n'est pas du tout confortable. Je ne retrouve pas l'extrême, mais tu utilises un mot très fort pour dire que la mélancolie casse, abîme. Je vais pas le retrouver là, comme ça. Donc tu veux avoir la réponse. On dit souvent la poésie ou la mélancolie est la cousine de la poésie. Et de fait, il y a beaucoup d'artistes qui portent en eux des blessures, je connais certains artistes qui ont des sources joyeuses, mais j'en connais plus qui ont des sources du côté des blessures et de voilà. C'est pas inévitable, mais c'est vrai que de fait, souvent, quand on discute avec des écrivains, comment c'est venu, comment l'écriture est venue, très souvent, c'est vrai qu'il y a une dimension comme ça de nécessité intérieure, de besoin, parce que par hypersensibilité à des choses et que ça prend cette forme-là. Mais... Je l'aime. La mélancolie n'est pas le mal romantique qu'on croit connaître, cette langueur complaisante. La mélancolie est en mesure de déchiqueter. C'est très fort, c'est... je vais le mettre en morceaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On termine par une autre lecture qui est sur ce CD, d'un texte qui est paru dans Issu. Oui. Là, ce sont des nouvelles plutôt. Ce sont des nouvelles et c'est le dernier texte de Issu qui s'appelle L'Arpentée. Je vais en lire. Je voudrais ne pas faire trop de bruit quand tu tournes tes pages. Ah oui, d'accord. Je vais en lire un petit extrait. Ah oui, ça fait du bruit. Oui.

et puis Rouge Rovko, qui est une série de textes basés sur des tableaux, mais les tableaux étant de toutes petites images qui étaient, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, dans les tablettes de chocolat. Entre autres, oui, c'était un hommage que je voulais rendre aux images des années 50. Moi, j'étais dans ces années-là à l'école et notre institutrice nous avait emmenés au Louvre et on avait chacune ramené des, ou une carte ou un livre, un petit livre de peinture. C'était à l'époque, on n'était pas du tout immergé dans la couleur comme aujourd'hui, où c'est tellement luxuriant, tellement magnifique la couleur aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer qu'on avait des, voilà, que c'était noir et blanc. Et en fait, on rêvait tout autant qu'on rêvait à travers nos noirs et blancs et nos gris. Et donc, je ne voulais surtout pas faire des reproductions de haute qualité. Je voulais rester dans cette espèce de côté un peu pauvre de la reproduction, mais qui nous initiait quand même à la peinture, malgré tout. Et à travers donc ces petits tableaux, donc c'est l'occasion de parler de la mère, de la mort, de la jeunesse, de la mélancolie, la colère, etc. De peintres qui ont peint de Rembrandt. Qui ont peint sur tous ces thèmes. Il y a toutes sortes de peintres qui m'ont touché à l'époque. Et avec à chaque fois une forme différente qui peut être un commentaire, qui peut être une lettre, qui peut être une adresse au peintre, etc. Ça se lit très très bien. Tu en avais fait lecture à Paris, j'avais beaucoup aimé. Et Ligné, donc, qui a été récompensé en 2014 par le prix Louis Guillaume, qui cette fois est de la poésie, encore des petites proses comme ça, qui reviennent, mais sous une autre forme beaucoup plus sensuelle, cette-ci, par rapport à la nature, etc. Donc voilà, vous savez. Voilà, juste j'ajouterais que j'ai amené un livre, au cas où vous voulez le feuilleter, ça dépend de vos intérêts, mais qui est une histoire particulière. C'est la résidence à Anyan, où j'étais invitée avec un photographe à faire un travail de mémoire sur l'histoire d'une colonie pénitentiaire pour enfants. C'est-à-dire que c'est une ancienne abbaye du 9e siècle qui a été au 18e, qui a commencé à être une prison au 18e et qui au 19e est devenue vraiment ce qu'on appelait un bagne pour enfants. Donc, on a travaillé, et c'est une communauté de communes de la vallée de l'Hérault qui nous a demandé de faire ce travail parce que les lieux sont quasiment dans l'état. Enfin, ça a été fermé par l'État dans les années 60, mais c'était très dégradé. La communauté de communes voulait rénover et nous a demandé de faire un travail sur la mémoire de ce lieu. Et alors le photographe a travaillé de son côté et moi j'ai beaucoup rencontré des gens dans la petite ville d'Anyan, notamment des personnes qui avaient dans leur famille soit côté détenu, soit côté éducateur, gardien. Et c'était passionnant et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la manière dont la justice, comment la justice a évolué d'une façon, comment au fin 19e, on pouvait encore... Fin 19e, on pouvait encore envoyer des voleurs de pommes, des enfants qui avaient chapardé, qui étaient laissés à l'abandon dans les villes, des orphelins qui erraient dans les villes. Et pour prendre de la nourriture, on pouvait très bien les envoyer dans un centre comme ça, dont ils ressortaient très, très. Enfin, c'était des conditions terribles. Et il y avait également des parents qui étaient. Il y avait ce qui s'appelait la correction paternelle et un père pouvait très bien décider que son enfant irait dans ce bagne. Et c'était des lieux. Donc c'est très intéressant au niveau de la justice. C'est relativement récent, ça date de Gaulle, le moment où on a pris le souci éducatif qui a pris le dessus sur le souci répressif. Voilà, il y a beaucoup à... Il en est pas mal fait beaucoup question. Beaucoup à réfléchir là-dessus. Dans ce livre. Oui. Les pauvres gosses, on leur tondait la moitié du crâne. Comme ça, oui, parce qu'ils fuguaient pour que les gens... Il y avait des primes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en Bretagne l'île... comment elle s'appelle, cette île? L'île de Ré. Belle-Île. Belle-Île. Jacques Prévert chantait... La chasse à l'enfant, voilà. Et en fait, cette chanson que peut-être certains d'entre vous connaissent, La chasse à l'enfant, part d'une révolte d'enfants dans un bagne similaire à celui sur lequel j'ai travaillé. Et quand il y avait des fugues, les gens du voisinage avaient des primes pour les ramener les fuyards. Donc ça, c'est pas si vieux. Hein. Non, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est assez horrible. Donc c'était... Voilà, c'est un des derniers livres. Merci encore, Françoise. Ben, merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Françoise.